Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cet épisode un petit peu spécial, l'épisode 6, hein, c'est ça? Exactement. Ouais. Un petit peu spécial parce que la majorité d'entre nous est réunie autour d'une table, ce qui est inhabituel. Vous pouvez vous imaginer, hein, on est autour d'eau gazeuse avec des crudités à tromper. Hein. Que des trucs légaux. Ouais, c'est ça. Ça fait plaisir de vous voir. Bah, super. Bon, malheureusement, tout le monde n'est pas là. Il y a la direction qui n'est pas avec nous, qui est restée chez lui. Comment ça va, la D? Bah, ça va, je suis content de ne pas vous voir. Il est agréable. Plaisir non partagé. La prochaine avec nous. Et vous, comment vous allez, Tiffaine? Super, je suis vraiment très très contente de vous voir en vrai et presque pouvoir vous toucher un peu, c'est cool. C'est vrai que c'est bien. Mika, ça va? Super content d'être là aussi. Ça faisait mine de rien assez longtemps. Et en plus, il y a de la bière, il y a des chips. Oh merde! Mais non, ils ne savent pas! Thierry, comment ça va? Avec modération. C'est ça, c'est toujours. Thierry, comment ça va? Ça va très bien. Je suis comme vous, très heureux de vous retrouver ici autour de cette table avec ces crudités et cette eau gazeuse. Et Damien? Je vais faire original. Je suis super content aussi de tous vous revoir. Effectivement, l'AD, tu nous manques très très fort. La prochaine fois sera encore meilleure, je suis sûr. La prochaine fois, c'est chez toi. Avec du soleil, j'espère. Avec du soleil. Et puis, je suis content aussi d'avoir un environnement en particulier. On est entouré d'œuvres dont on vous parlera tout à l'heure, qui sont génialissimes. On vous laisse un peu imaginer tout ça. Et toi alors, Guillaume? Moi, je suis vraiment hyper content. Je suis content de présenter, en plus, cet épisode un peu spécial. Ça me fait très plaisir. Et ouais, c'est quand même pas pareil, hein. Que de le faire à distance. Ah, ça change, ça fait du bien. Ouais, c'est cool. Merci d'être là, du coup, et puis merci à vous qui nous écoutez aussi. Merci pour vos retours sur les réseaux sociaux quand on vous croise en formation ou dans nos différentes activités. C'est super sympa d'avoir des retours à chaque fois, et puis ça nous donne envie de faire toujours plus et de continuer, c'est cool. On a fait une grande pause estivale. Voilà. Les emplois du temps sont assez chargés. Et puis on s'est rendu compte aussi en préparant cet épisode qu'on n'avait pas répondu à toutes vos questions sur les réseaux sociaux. On s'en excuse et promis, on va se rattraper. Dans les questions qui sont tombées, on nous a demandé un petit peu le générique d'Ostéo et Science. Vous êtes beaucoup à l'avoir trouvé très sympa. Thierry, on peut le trouver où, le générique? Eh bien, ce générique, vous pouvez le trouver sur SoundCloud directement. On mettra le lien, bien sûr, en description. C'est Algrim, A-L-G-R-I-M-H, nom d'artiste Oden, voilà. Et le morceau s'appelle Clapmax, voilà. Donc, sur SoundCloud. Surtout que là, on demande à Thierry, parce qu'en en fait, c'en est l'auteur. Enfin, il faut quand même le préciser, c'est quand même toi qui a... Oui, c'est moi qui l'ai fait, oui. Voilà. Et donc, on recommande, bien sûr, toutes les autres musiques qui sont sur SoundCloud. Oui. Oui, voilà, on va dire. C'était l'instant promo, ça fait pas de mal. C'est ça. Voilà. Okay. Un homme plein de talent. Exactement. Oui, d'ailleurs, Damien faisait référence aux œuvres qui sont autour de nous, c'est parce que c'est aussi Thierry qui les fait, hein. C'est pour ça. Exactement. Donc, nom d'artiste, Oden. Oden Sokuken, on mettra le lien sur Insta. C'est un projet artistique autour de la sexualité inclusive. Je suis exposé en ce moment à Clermont-Ferrand et j'aurai grand plaisir à débattre avec vous de tout ça sur mon compte Instagram. Super, félicitations en tout cas. Merci. Quelle promo ce soir. Dans les questions qui sont tombées on nous demandait pourquoi on n'a pas parlé de l'étude LC Ostéo. Alors Damien, pourquoi on n'a pas parlé de l'étude LC Ostéo? C'est une très bonne question, Guillaume. D'autant plus qu'effectivement, on a eu un débat entre nous pour savoir s'il fallait l'aborder ou pas l'aborder. En plein tourment et tornade même médiatique. Donc on a pas mal hésité, et puis en fait on s'est rendu compte, surtout après avoir visionné la présentation des résultats organisée par Com Collaboration, donc on vous invite à la regarder, ainsi que la présentation assez exhaustive faite par Pierre-Élie Bernard et son, sa chaîne YouTube. Les Chroniques de la Douleur. Exactement, Les Chroniques de la Douleur, merci Mika. Il ouais, faut aller voir ça. Hein. Il faut vraiment regarder ces deux vidéos. En fait, on a senti qu'on n'allait pas rajouter grand-chose au débat et pas rajouter grand-chose en plus. Donc, on vous recommande, on vous mettra les liens éventuellement dans la description, comme ça vous pourrez aller voir, et on vous invite chaleureusement à le voir. Donc, effectivement, on s'appelle Ostéosciences. Il y a eu une méga étude scientifique ostéopathique qui est sortie en mars, mais en même temps, on n'avait pas grand-chose à dire en plus. Donc, voilà le pourquoi du comment. Très bien. Et pour terminer cette introduction, ça fait un moment qu'on a lancé le podcast maintenant. Et puis nos situations personnelles, elles ont évolué. Et dans un souci d'être tout à fait transparent avec vous, on va énoncer nos nouveaux conflits d'intérêts. Damien ? Oui, donc merci Guillaume. Moi, la situation a un peu évolué dans le sens où je suis toujours enseignant au CSO, je suis toujours enseignant au CESO. J'ai la chance d'enseigner avec un des chroniqueurs ici présent, M. Guillaume Molinier. Et c'est vraiment un plaisir de faire des cours avec le CESO, et le CESO d'ailleurs aussi. Et puis j'ai intégré aussi le centre de formation BMS Formation, dans lequel je dispense une formation de supervision professionnelle. Donc voilà, si jamais vous m'entendez faire de la promo pour de la supervision professionnelle, vous savez que je serai en conflit d'intérêts directement. C'est à peu près tout. Voilà, j'ai fait quelques congrès, en tout cas avec la FEDEO. J'en remercie tout le monde encore une fois pour l'invitation et l'ambiance. Donc voilà, si ça peut rentrer en conflit d'intérêts, je le mentionne. Super, très bien. J'ai cru comprendre que pour toi aussi, Tiffen, les choses avaient changé. Oui, quelques projets qui sont en cours pour refaire le point. Donc, j'assiste toujours certains cours en présentiel et en distanciel au sein du CFPCO. Et puis, les nouveaux projets, une formation en intervision avec Jerry Draper-Roddy, Cookie Learning, et dans le programme de la FSO, la Fédération Suisse des Ostéopathes aussi. Et puis, une formation qui est en train d'être construite et qui a déjà été annoncée pour le programme de 2022 avec Cookie Learning et surtout avec toi Guillaume en pédiatrie sur la prise en charge de l'enfant et des parents. Et du coup, c'est très facile pour moi parce que mes deux nouveaux conflits d'intérêts ont été énoncés. Donc je suis également enseignant maintenant au CESO, un petit peu au CSO également, et effectivement j'ai la grande joie de pouvoir bientôt proposer cette formation avec Tiffen pour Cookie Learning. On a fait le tour ? On a fait le tour. Très bien, on va pouvoir lancer ce nouvel épisode. Alors, on sait qu'on est un peu long dans nos épisodes. Pourtant, on essaye vraiment de raccourcir, mais on a beaucoup de choses à dire, donc c'est pas forcément évident. Donc, on fera un sujet sûr, peut-être deux, si on n'a pas été trop bavard. Avant de commencer ce sujet avec toi, Tiffen, moi, je voudrais un peu m'adresser aux autres, parce que tu vas nous faire un état des lieux des freins de langue et de leur prise en charge. Et je voudrais savoir si les uns et les autres, vous avez déjà des connaissances en la matière. Damien, c'est un sujet qui t'intéresse. Tu as des connaissances là-dessus ? Alors, ça tombe bien que tu me poses la question, parce qu'effectivement, j'en ai à peu près aucune. Et je suis d'autant plus heureux que ce soit Tiffen qui le fasse, surtout quand je vois l'épaisseur de ce qu'elle nous a préparé. Je suis déjà très confiant sur le déroulé de cet enregistrement. C'est vrai que ces notes sont terrifiantes. L'AD ? Alors moi, j'y connais, mais absolument rien du tout. J'en entends parler, mais c'est tout. Ok, donc ça donne pas grand-chose pour l'instant. Mika ? Moi, je serais très étonné d'apprendre quelque chose ce soir. Non, je suis comme vous, j'y connais absolument rien. J'ai l'impression que c'est quelque chose dont on parle beaucoup depuis quelques années, qu'avant que ça n'existait pas, et j'en entends parler beaucoup depuis quelques années par l'intermédiaire de mes patients, donc je suis ravi d'en apprendre plus. Et toi, Thierry ? Bien, moi, c'est le sujet de ma deuxième thèse. Donc, voilà, je vais checker un peu ce que dit Tiffen, et puis... Non, bien sûr, je suis comme vous tous, hormis Tiffen autour de cette table, et l'AD loin de nous, mais près du cœur. Non, je n'y connais rien, voilà. J'ai hâte de découvrir. Ouais, donc pour moi, c'est pareil. Alors, j'en entends beaucoup, beaucoup parler au cabinet. Je ne sais absolument pas de quoi il s'agit. Donc, on t'écoute, Tiffen. Ok, donc ben, effectivement, la première question, c'est pourquoi je vous parle de ça. Entre nous, vous êtes 5 hommes, je suis la seule femme. S'il y en a bien une qui doit parler d'effets de mode et de nouvelles tendances, ça ne pouvait être que moi, évidemment. Plus sérieusement, j'ai décidé de vous en parler parce que moi aussi j'ai l'impression d'en entendre parler de plus en plus au cabinet, en consultation de pédia, et puis aussi sur les réseaux sociaux. Dans ma pratique clinique, de plus en plus de parents s'interrogent, ou alors ils ont un avis, ils ont entendu parler de certaines choses, et puis ils ont l'impression que tout un tas de troubles de leur nourrisson, de leur enfant, peuvent être dus à ces histoires de freins. Il y a pas mal de groupes que je suis sur les réseaux sociaux qui sont en lien avec la périnatalité, la parentalité, l'allaitement, et puis des groupes qui sont vraiment spécifiquement liés autour de la phrénectomie, l'ankyloglossie, etc. Et en fait, j'y lis beaucoup de témoignages, de conseils, d'avis, d'inquiétudes, de recherches de soutien, principalement de maman. Il y a vraiment très peu d'hommes qui interviennent dans ces groupes-là. Est-ce que tu peux définir ankyloglossie ? Ça va finir. Ouais, patience, patience. T'es en train de noter la question. et donc, ben dans ces groupes-là, en fait, il y a vraiment beaucoup d'informations qui tournent, beaucoup d'avis, sans que ce soit jamais vérifié ou remis en question. Et il y a peu de professionnels qui en parlent. Et ceux qui en parlent donnent là aussi un avis sans forcément sourcer ce qu'ils racontent. Donc ce podcast était pour moi une bonne excuse pour chercher des infos, parce que pour être honnête, en fait, avant de travailler sur ce sujet-là, j'y connaissais pas grand-chose non plus. J'en entendais parler sans vraiment savoir de quoi il s'agissait. Donc j'ai fait un petit tour de la littérature, j'ai appris plein de choses et je vais essayer de vous raconter tout ça. Et puis d'un point de vue d'une anecdote un peu personnelle, il y a pas très longtemps, et quelques semaines, j'ai reçu une énième maman au cabinet qui me raconte son histoire. Elle est fatiguée, elle essaye de faire ce qu'il y a de mieux pour son bébé qui a 3 mois. Après des débuts vraiment difficiles d'allaitement, des régurgitations qui ont été diagnostiquées et traitée par Gaviscon et Inexium, mais qui n'était pas douloureuse, des tétées fréquentes, un énervement fréquent sain. Cette maman inquiète a consulté une consultante en lactation qui l'a réorientée vers une orthophoniste dite experte en freins. Et cette orthophoniste a diagnostiqué 4 freins chez ce bébé, des freins de langue, lèvres et joues. On va en reparler un peu plus tard. Et l'ORL VU a sectionné les freins, donner un protocole de massage, d'exercice, de séance de chiro. La maman en question, à ce moment-là, n'est pas capable de me dire combien de fois elle a emmené son bébé chez le chiro, tellement il y a eu de séances répétées. Et elle arrive tout ça en me disant, ça devait tout régler, en fait ça va pas du tout mieux, j'en peux plus, je suis épuisée, j'y arrive pas, je suis pas une bonne maman, je sais pas quoi faire. Donc je me suis dit, ok, qu'est-ce que je peux lui répondre, qu'est-ce que je peux lui apporter, mais pour ça, il faut que j'aille faire un peu plus le tour des choses. C'est marrant, cette histoire de chiro, parce que j'ai, moi aussi, eu plusieurs nourrissons qui ont fait spécifiquement des séances de chiro par rapport à des freins de langue, et avec des parents qui ne savaient pas tellement me dire pourquoi, et c'est quelque chose qui a l'air d'être préconisé, la chiropraxie, dans le cadre de la prise en charge des freins de langue. Effectivement, pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'explication pourquoi plus les chiro que les ostéos, parce qu'au final, j'ai l'impression quand même on fait plutôt le même boulot, quelques détails près. Mais ça aussi, vous êtes vraiment impatient quand même. on va plein de questions. Sur les histoires de protocole et de thérapie manuelle dans l'histoire. La première chose, c'est de quoi on parle. On va faire un petit tour de définition. Un frein. Un frein, qu'est-ce que c'est ? Un frein, c'est une bande de tissu conjonctif qui fixe ou restreint le mouvement d'un organe mobile. Et Gisèle Grémaud-Fégé, qui est une pédiatre et qui est responsable du DU de lactation humaine et d'allaitement maternel, a publié un article dans Connaître en janvier 2021 sur le sujet des freins. Et elle rappelle que les freins, c'est quelque chose de normal. On retrouve des freins dans différentes parties du corps. Et dans la bouche, il existe un frein de langue normal qui relie la langue au plancher buccal. Il existe aussi un frein dit frein de lèvres qui relie les lèvres à la gencive, et des freins de bouche ou de joue situés entre la muqueuse buccale et la gencive maxillaire ou mandibulaire. Je suis en train de vérifier en même temps dans ma bouche. Et alors ? En effet. Et ils sont présents. Et tu t'en sors bien ? Ça va, je vais bien, pour le moment. Donc ça, c'est la première chose. Ça permet de savoir ce qu'est un frein et de remettre aussi dans le contexte que, en fait, c'est normal d'avoir des freins. On entend parler de freins linguaux, dits courts, ou dits classiques, ou dits antérieurs. Et toujours d'après Gisèle Grémaud-Frégé, on peut noter parfois la présence d'un tissu visible devant le frein proprement dit, qui s'étend de sous la langue jusqu'à la crête gingivale inférieure, et il peut être plus ou moins épais. Donc ça, c'est le frein antérieur. De ce frein antérieur, la langue peut même avoir un aspect en forme de cœur. Peut-être vous avez déjà vu ça chez certains bébés. Alors, je crois pas, j'ai un collègue orthophoniste qui m'a parlé d'un test. Apparemment, il faudrait lever la langue au palais, et s'il y a une forme de cœur, ça voudrait dire qu'il y aurait un frein problématique. C'est bien vrai ? Alors, effectivement, quand on lève la langue au palais, on peut voir cette forme de cœur. Sauf que c'est pas nécessairement problématique. Okay. Là, le docteur Pamela Douglas, qui est une médecin généraliste en Australie, qui est spécialisée dans le soutien à l'allaitement et qui a publié un certain nombre d'articles sur le sujet. En particulier, a publié un article en 2016 dans la Griffiths Review. Elle dit que c'est pas nécessairement anormal et donc ça pose pas nécessairement de problème fonctionnel derrière. Donc ce test-là d'observation de forme ne suffit pas à dire que c'est problématique. Donc en fait, là, on a essayé de trouver une corrélation à une forme de frein pour dire qu'il y a des problèmes. C'est ça. Pour certains, l'observation anatomique leur suffit à conclure qu'il y a un trouble fonctionnel associé. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de parler de la prévalence de ces freins, qui en fonction des sources et des études sont entre 4 et 11% en fonction des références. Et puis, selon un document qui est en fait l'équivalent de la PMI en Suède, sachant qu'en Suède, il y a 99% d'allaitement initié. Donc ça représente quand même quasiment la totalité des bébés. Le centre de soins périnataux qui s'appelle le BVC dit que dans environ 10% de tous les enfants qui ont un frein de langue court, seulement 20% d'entre eux ont des difficultés à téter. Ça veut dire qu'en fait, il y a entre 4 et 10% de freins courts, et dans ces freins courts, bah dans 80%, en fait, ça pose pas de problème fonctionnel. Okay. Et donc ça fait 0,5 à 2-3% où c'est vraiment pas critique. Ça fait vraiment peu de bébés, hein. Effectivement, peu d'enfants. Donc lorsque le frein lingual, je me répète, mais dit classique, dit antérieur ou dit court, réduit la limite de la mobilité de la langue, c'est là qu'on parle d'ankyloglossie. Et ça... Le fameux. Voilà, ça c'est l'ankyloglossie, le fait que ça limite la mobilité de la langue. C'est la définition que vous retrouverez dans l'article de Messner et al. De 2020, dont je reparlerai un peu plus tard. Quand tu dis limiter la mobilité de la langue, c'est qu'il y a certains mouvements qui ne sont pas possibles de faire, c'est comme ça. Tirer la langue ou comme ce genre de choses. Tirer la langue, monter la langue au palais, ou enrouler la langue, etc., en fonction de chacun. Donc, en plus de ces types de freins antérieurs, j'ai souvent entendu parler ou lu sur les réseaux des histoires de freins restrictifs ou de freins postérieurs. Et là, ça a foutu le bordel dans ma tête. Confusion, quoi. Je ne sais plus de quoi on parle. J'ai donc cherché, et donc le docteur Pamela Douglas, dont je parlais tout à l'heure, raconte qu'en fait, en 2004, il y a une consultante en lactation aux États-Unis qui repère chez un bébé un cordon de tissu un peu plus jaune-blanc, derrière des plis muqueux, sous sa langue. Et elle voit ce bébé pour des problèmes d'allaitement, des difficultés d'allaitement. Elle en parle à un chirurgien ORL qui décide de sectionner ce frein. Ils appellent ce frein-là un frein de langue sous-muqueux. À partir de là, la consultante diagnostique de plus en plus de freins de ce type chez les bébés qu'elle voit pour des difficultés d'allaitement et les réoriente à chaque fois pour qu'ils soient incisés par ce chirurgien ORL. Tous les deux, ils établissent une classification comportant 4 types différents, centrés uniquement sur l'aspect du dit frein, et sans évaluation de la mobilité, des troubles fonctionnels éventuels, etc. Il publie une lettre à l'Académie américaine de pédiatrie, qu'on peut retrouver encore Ilos et al. En 2004. Et de là, ils ont décidé qu'ils avaient trouvé une classification, ils prêchent la bonne parole, ils vont former des gens à la classification qu'eux-mêmes ont décidée. Les gens qu'ils ont formés, ils leur disent « allez former ailleurs », et voilà. Et ça se répand. Et en fait, ça se répand. Donc tout ça sans publication réelle, en fait. Exactement. Et en fait, donc les deux, le duo en question, un peu dans tous les États-Unis parlaient de tout ça, et ils disent que pour régler ce type de problème, seule l'incision ou la thérapie crânio-sacrée peuvent fonctionner. On est quand même sur deux extrêmes là. Ouais, exactement. De... C'est, donc tout ça, c'est aussi raconté encore par Douglas dans la Griffith Review dont je parlais tout à l'heure. Et donc, il y a de plus en plus de diagnostics de frein qui sont alors passés de sous-muqueux, on parle de postérieurs, et puis plus récemment, on les a transformés en restrictifs. Attends, il y a un truc que je comprends pas. La création d'une dérive, mesdames et messieurs. S'il se base que sur l'anatomie du frein, comment une thérapie crânio-sacrée peut changer l'anatomie du frein? Ou alors il se base sur d'autres critères? Ben, en fait, l'idée, ça il faudrait que je retrouve dans le... J'ai pas la référence en tête, mais je l'ai quelque part dans mes nombreuses notes que j'ai fait moi. C'est partir de quelque chose d'ultra-mécanique, de relâcher de la tension et de détendre des tissus conjonctifs qui vont permettre, soi-disant, une meilleure mobilité, une meilleure mécanique de la langue. Okay. Et ça aussi, c'est des choses dont on pourra parler après sur la notion de, entre guillemets, bonne mécanique de la succion ou pas. C'est probablement pas si simple que ça. On revient à la notion de normalité, quoi. Ouais, exactement. Donc ça, c'était en 2004. En 2014, il y a la première conférence de la Société des freins de langue et de lèvres d'Océanie. Attention, je vous le fais en anglais. The First Australasian Society for Tongue and Lip et Lip Tie. Bravo, bravo, ça va, bravo. J'aurais pas fait mieux. Donc cette société se réunit en 2014. Elle est formée et menée que par des cliniciens ultra enthousiastes, mais sans aucun passé de chercheur. Aucune étude sérieuse sur leur dire et sur leur outil diagnostique. On est toujours sur ce truc de, en fait, à deux, ils ont fait une classification et puis ça s'est répandu comme ça. Donc on est d'accord, même pas d'études pilotes ou de machin où il y a juste 3, 4, 5, 6, 10 patients, quoi. Il y a, okay. Voilà, ça part, ça part d'une observation de leurs patients. Donc on pourrait dire que quand même il y a une observation de patients, mais est-ce que ça suffit à, ça suffit à le transmettre Allez. L'expérience professionnelle, on sait tous que ça vaut beaucoup. Ouais, c'est des experts. Oui, puis dans tout ce que tu nous as dit là, on ne sait même pas si... Enfin, en tout cas, tu ne l'as pas dit. Est-ce que d'enlever ce frein de langue, ça a arrangé les choses? Ça va venir. Moi, ce que je trouve marrant, c'est qu'elle a trouvé un frein de langue à un moment donné. À partir de ce moment-là, elle s'est mise à en diagnostiquer beaucoup plus. Exactement. On dirait moins en retour de formation, quoi. Dans les jours qui suivent, à chaque fois, ça colle à la formation que je viens de faire. Hein. Donc c'est un méchant biais. Des biais de confirmation. Oui, voilà, c'est ça. Ça, c'est un méchant biais. C'est pour ça que, du coup, l'expérience, ça suffit pas dans ce genre de cas. Hein. Donc, si je résume, il existe des freins antérieurs, courts ou classiques, dont on entend parler et qu'on prend en charge depuis longtemps, et depuis 2004... Une consultante en lactation et un chiro-RL auraient découvert l'existence de freins dits sous-muqueux, puis postérieurs, puis restrictifs. Ok, maintenant, on sait tout ça. Comment on les reconnaît? Ou plutôt, peut-on vraiment les reconnaître? J'ai fait un peu le tour des outils diagnostiques. Donc il y en a un qui s'appelle le HATLFF, le Hazel-Becker Assessment Tool for Lingual Frenulum Function. Celui-ci est plutôt complet. Il y a 12 items en tout, une partie d'observation anatomique et une partie d'observation fonctionnelle. Le truc, c'est qu'il est, complet, mais en fait, il est ultra difficile à mettre à utiliser en clinique, ce qui pose quand même un problème pour le diagnostic. Il existe aussi le BTAT, qui est le Bristol Tongue Assessment Tool. Et puis, j'ai entendu parler de classification de Cotelot et enfin de Martinelli. Et donc, tout ça, en fait, c'est pas vraiment fiable en termes de prédiction de la gravité des difficultés d'allaitement, des troubles fonctionnels. Donc, je vais faire un tout petit point sur la littérature. En 2020, il y a deux consensus internationaux qui ont été publiés sur le sujet. Comme quoi, c'est vraiment un effet de mode parce que pour que, à l'international, d'un côté en Australie et d'un autre côté aux États-Unis, il y ait des consensus de professionnels et d'experts qui se disent « Bon, il faut qu'on fasse un peu le point sur tout ça, on va voir où on en est. » Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils ne sont pas eux-mêmes pas d'accord sur les choses. Donc, il y a un consensus australien qui est composé de dentistes, de sages-femmes, de chiro, d'ostéos, de consultants en lactation, de chirmaxillofaciales, d'orthophonistes. Eux, ils ont tous travaillé d'après une revue de littérature. Et ce consensus-là encadre plutôt le diagnostic et la prise en charge des freins de langue et de lèvres. Et puis, il y a un consensus américain qui là, est fait uniquement par des experts médecins ORL. Et là, chez les Américains, quand on regarde la conclusion de ce consensus, en fait, on voit vraiment que les experts eux-mêmes n'ont pas réussi à trouver d'opinion, d'avis commun, et qu'il y a une grande disparité sur leurs opinions, sur leur façon de faire. Donc, ils se rejoignent au moins sur le fait qu'il y a plusieurs échelles d'évaluation et qu'il serait préférable d'utiliser une échelle évaluant apparence et fonction. Mais surtout pour ça, il faudrait un consensus clair sur la définition antérieure et postérieure, ce qui déjà n'est pas le cas pour les Américains. Donc, on n'a même pas une définition claire. Ça me paraît compliqué de mettre en place un outil diagnostique derrière. Donc, pour le moment, évidemment, aucun outil diagnostique n'est validé, référencé ou fiable intra- et inter-examinateur. Pas d'outil diagnostique valide. Qu'est-ce qui peut nous mettre sur la voie pour savoir si on doit s'y intéresser quand même, parce que c'est pris en charge, parce que c'est là, parce qu'il y a quand même des fois où ça apporte des choses. Donc comment on peut se dire, tiens, peut-être je peux y penser. Oui, et puis il y a eu des observations de fait cliniquement, ça peut quand effectivement. Même être effectivement. Donc s'il n'y a pas de critère diagnostique valide, c'est-à-dire que tout le monde le fait un peu à sa sauce. Ouais, c'est ça. Au cabinet. Exactement. À sa sauce et... Ben, chacun pense être expert du truc et a été formé par quelqu'un qui a dit être expert et a dit avoir un outil diagnostique valide. Mais chacun choisit ses critères, en fait. Ben, c'est pas tellement que chacun choisit ses critères, c'est que plutôt, il y a des formations qui sont dites expertes sur le sujet, donc qui te forment à quelque chose. Tu penses que t'es formé à ce truc. Bien sûr, sauf que si la formation en tant que telle te transmet quelque chose qui n'est pas valide, ben, C'est clair. Mettre en question un peu la validité des choses. Donc c'est une recherche faite un peu dans un coin par certains experts, quoi. Donc qu'est-ce qui peut nous faire penser à aller voir, vérifier, poser la question du frein? Souvent, les freins de langue courts antérieurs ou postérieurs restrictifs sont associés à des difficultés d'allaitement. Et ces difficultés, elles peuvent être de différents types. D'abord, un allaitement douloureux pour la mère. Des lésions éventuellement type crevasse sur les mamelons, une difficulté à prendre le sein ou à saisir le mamelon par le bébé, un bébé qui s'énerve, des tétées longues, pas forcément efficaces, un mauvais transfert de lait qui peut même aller jusqu'à entraîner une stagnation pondérale. Donc effectivement, quand on en arrive là, avant même d'en arriver là, c'est nécessaire de trouver des solutions. Il y a aussi certains professionnels qui disent experts du sujet, et des parents qui ont leur propre avis sur la question, souvent après des expériences pas toujours très, très agréables, qui disent que les freins sont aussi en lien dans des troubles de la respiration lors du sommeil, comme l'apnée, ou le RGO, ou les coliques, ou l'état agité du nourrisson, ou tout autre trouble lié à l'alimentation. À ce jour, et selon le consensus australien dont je parlais tout à l'heure, il n'y a pas de preuves suffisantes pour conclure et associer ce genre de trouble à l'ankyloglossie dans la littérature. Et vraiment, l'ankyloglossie, c'est pas facile à dire. Donc, en dehors des troubles là, dont je viens de parler, où il n'y a pas de preuves suffisantes, il y a aussi des idées, des croyances. J'allais dire des légendes, mais des croyances, merci l'AD. Concernant les troubles de l'oralité, les difficultés de langage, les problèmes ORL, ou bien même les problèmes dentaires, type malocclusion, récession gingivale, carie, etc. Il y a des gens qui pensent que ça peut être en lien avec une histoire de frein restrictif, court, etc. Donc on n'est plus tellement dans le cadre du nourrisson. On n'est plus dans le cadre du nourrisson. Il y a même des adultes qui se font faire des frénectomies aujourd'hui. Ouais. Et donc là, les experts australiens, encore une fois, à partir de la revue de littérature, s'accordent à dire qu'il n'y a aucune preuve qui permet de faire le lien entre ces troubles-là et l'ankyloglossie. Néanmoins, il y a quand même des adultes qui se font faire des frénectomies en espérant que ça soulage leurs douleurs, leurs troubles, et probablement que des fois ça fonctionne. En fait, là, on essaie de retrouver un truc miraculeux, quoi. Ouais, exactement. C'est comme ça que moi je le comprends, en tout cas. Sur l'idée de, par exemple, du trouble du langage, ça veut dire qu'il peut y avoir des troubles du langage sans frein court, évidemment. Il peut aussi y avoir des troubles du langage chez l'enfant ou l'adolescent, ou que sais-je, avec un frein court. Et c'est pas pour ça que c'est forcément la faute du frein court. Ceci étant, si on prend en charge les troubles du langage de façon globale, on pourrait mettre en place, pourquoi pas, quand même une frénectomie, donc le fait d'inciser le frein, à condition de ne pas faire que ça et de mettre d'autres choses en place pour améliorer les choses, parce que c'est des troubles, c'est des symptômes qui sont tous un peu... qui paraissent complexes. Juste, il faut rappeler quand même que la majorité des gens qui ont des freins courts n'ont pas de problème, eux, fonctionnel. Donc, ce lien de causalité linéaire de « t'as un trouble, t'as un frein court, c'est sûr que c'est le frein court », ça me paraît un peu rapide comme conclusion. Comme conclusion, ouais. Si je comprends bien, il faudrait une étude épidémiologique pour savoir si, justement, il y a une différence entre ces deux populations général, quoi. Ouais, c'est surtout ça. Ouais, et puis à mon sens, un trouble du langage, par exemple, c'est forcément multifactoriel. C'est complexe. Il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte que juste la forme ou la taille de ton frein. Enfin, quelle éducation t'as eu, dans quel environnement t'as évolué. Ça me paraît presque improbable qu'il y ait une seule raison mécanique qui puisse être en cause dans l'histoire. Peut-être que ça pourrait être un facteur favori, non ? Ouais. Exactement. Il faudrait sûrement plus d'études pour ça, pour savoir. Le risque après, c'est de se dire, ok, alors c'est que un facteur mécanique, et oublier les autres, et forcer peut-être retarder une prise en charge, ou avoir une prise en charge qui n'est pas adaptée, parce que justement, on reporte tout sur le facteur mécanique, quoi. Donc effectivement, il y a les histoires de phrénectomie ou phrénotomie, et je vais pas rentrer dans le détail, il y a différentes manières d'incision, au laser, ou je sais pas comment on dit, au scalpel, au ciseau, ou je sais pas quoi. J'ai pas les connaissances, la compétence sur les actes chirurgicaux, et en plus, je crois pas trop que ça nous amènerait quelque chose en plus, parce que déjà qu'on a du mal à poser une définition et à repérer si c'est nécessaire ou pas. Alors après, si on rentre dans le type précis d'acte chirurgical, là c'est un peu trop pour moi. Ouais, la question en fait c'était surtout, est-ce que justement les chirurgies qui sont faites par je sais pas qui en fait, du coup d'ailleurs qui fait ça, les ORL les maxillofaciaux, mais surtout les ORL, ouais. Et est-ce qu'ils suivent une recommandation, un protocole, un machin, ou c'est juste au petit bonheur la chance, on coupe? Alors je dis les ORL, mais pas que, parce qu'il y a aussi des sections de frein qui sont faites directement en maternité, et là pour le coup c'est plutôt sur les freins courts, les freins antérieurs, qui sont des freins qui sont déjà... repérés depuis plus longtemps, dont on parlait avant cette histoire de frein postérieur en 2004, et qui dès la naissance, ou dès les premières heures, les premiers jours de vie en maternité, sont repérés, sectionnés, et là, probablement que là on pourrait aller chercher aussi plus d'infos sur pourquoi c'est fait, parce que là c'est aussi juste une observation anatomique, mais si la langue a une restriction de mobilité très importante, bon... Pourquoi pas En tout cas, ça, c'est moins remis en question, c'est moins remis en cause que cette notion de frein postérieur qui est vraiment neuve et sur laquelle il y a très peu de... J'ai peur de dire des bêtises parce que ça, c'est de mémoire, mais je crois que les freins antérieurs, les freins courts, ça fait quasiment un siècle, plus d'un siècle qu'on commence à en parler. Et j'ai 1946 qui me vient en tête, et ce serait peut-être à vérifier, mais sur les premières publies scientifiques là-dessus. Donc, c'est quand même des choses qui sont là... depuis beaucoup plus longtemps que cette notion de frein postérieur. Donc sur la phrénectomie, si on se dit qu'il n'y a pas de définition claire, qu'il n'y a pas d'outil diagnostic fiable, mais que les actes ont énormément augmenté, probablement il y a un peu d'abus sur l'utilisation et sur le nombre d'actes réalisés. Je ne vais là aussi pas rentrer dans le détail de ma réflexion personnelle, mais il y a une histoire de coût aussi dans l'histoire et d'éthique, on incise... beaucoup plus, sans vraiment être sûr de pourquoi on incise, à qui ça coûte cher, à qui ça rapporte de l'argent. Enfin, voilà, moi, il y a quand même des questions là, personnelles et éthiques qui me laissent un peu dans le... Ça me rappelle un peu les césariennes qui ont beaucoup augmenté aussi aux États-Unis. Enfin, pareil, hein, c'est plus de mémoire parce que je n'ai pas les chiffres, mais... Ce que je veux dire quand même, c'est que probablement, il y a des fois où c'est vraiment indiqué et que c'est sûrement une histoire de phénotypage à la base des patients, et que si le phénotypage était bon, les résultats dans les études qui sont faites seraient sûrement meilleurs sur l'intérêt de la phrénectomie et l'évolution des troubles, des difficultés d'allaitement ensuite. Donc elle n'est évidemment pas à exclure, mais elle ne doit pas être faite en première intention. Et puis, donc, selon un certain nombre d'études, et moi, ça me paraît cohérent, une réponse simple et mécanique, est-ce qu'elle peut vraiment être la seule solution à un problème complexe? J'émets un doute, si vous me permettez. Et puis, c'est quand même pas un acte complètement banal, parce qu'il y a quand même plusieurs conséquences qui sont répertoriées suite à la phrénectomie. Donc, comme je disais, en dehors du coût pour les parents ou pour la société, il est souvent recommandé, donc par les professionnels dits experts des freins, de pratiquer des protocoles pré- et post-chirurgie, de type massage, exercice de mobilité de la langue, etc., consultation chiro, plus ou moins ostéo. Et donc d'abord, il n'y a aucun protocole strict qui est décrit. Donc chacun et chacune a un peu son avis sur comment faire, combien de fois, à quel moment, etc. Et ça, c'est assez facile de le voir, c'est quand on va sur les groupes des réseaux sociaux, en fait, il y a plein de témoignages, Et en fonction du CHIR qui a opéré, etc., ou l'ORL qui a opéré, ben, chacun parle d'un protocole différent. Et dans la littérature, ben, il n'y a aucune preuve de l'efficacité de ces protocoles-là. La petite anecdote aussi, c'est que dans les autres pays, il y a un protocole prise en charge de la douleur pour les nourrissons qui ont une incision, qui ont une phrénectomie. En France, il n'y a pas de protocole de gestion de la douleur. Donnez-leur un peu de paracétamol et puis ça suffit. De toute façon, depuis quand les nourrissons ont mal, franchement. Oui, voilà, pas de raison, finalement. Et donc, à défaut de preuves d'utilité, il est quand même rapporté qu'il y a un nombre de risques d'allongement des processus de cicatrisation. Donc, suite à ces histoires de protocoles de massage, d'étirement, d'exercice, etc., on rapporte qu'il y a donc, des risques d'allongement de processus de cicatrisation, des infections et des inconforts supplémentaires pour les bébés. Ah oui, donc c'est-à-dire que d'un côté, ouais, on leur dit après l'opération, il faut faire des massages, etc. Mais ouais, on a à peu près... Il n'y a rien qui dit que ça sert à quelque chose. Mais par mais contre... en plus, ça augmente finalement les processus. Ça peut augmenter les processus de cicatrisation. Ouais. Ça augmente les risques d'infection et l'inconfort pour les bébés. Ok. D'autant plus que, juste pour remettre dans le contexte, on demande ça à des parents qui sont déjà fatigués, plutôt inquiets, qui essayent de faire leur maximum, qui ont déjà suivi en général tout un protocole, et pour qui on n'est pas sûr que ça améliore les choses. Donc vraiment, là, moi, ça me laisse ultra perplexe sur la nécessité, l'utilité et éthiquement, quoi. Pourquoi on continue à transmettre ça, quoi. En plus, si vous dites à des parents, à une mère, enfin à des mères en général, c'est plutôt elles qui sont là dans ces cas-là, dans ces consultations-là, de faire un protocole parce que ça va aider à aller mieux, etc. Et en fait, si ça n'améliore pas les choses, ou si le bébé a une infection, un inconfort supplémentaire, et que ça ne règle pas en plus les problèmes d'allaitement, je vous laisse imaginer la culpabilité qu'on fout sur les épaules des parents et là, des mères. En plus, on part du principe que certains troubles pourraient être liés au contexte à la maison, il y a de grandes chances que la culpabilité des parents n'améliore pas beaucoup plus le contexte. Exactement. En tout cas, ça pose la question de l'hypermédicalisation de... tout ce qui est en lien avec la maternité, ouais. Oui, paternité ouais. Aussi, mais enfin, que ce soit de la procréation, la grossesse, l'accouchement et même après l'accouchement, c'est hyper médicalisé dans tous les cas, donc enfin ouais. C'est sur pareil, c'est un peu hors, mais voilà, ouais, sur l'accompagnement parce là, que parce des que trucs, bon, j'en ai connu quelques-unes des femmes qui ont accouché, etc., et les cours, j'aime pas trop ce terme-là, mais en tout cas les conseils ou les choses comme ça de l'allaitement, ouais. Ça se fait de manière un peu express quand même, et ça dure pas très longtemps, et s'il y a pas après là, dans la famille, etc., d'autres choses qui viennent, ça peut être compliqué voilà, pour des femmes seules ou des couples isolés, etc., quoi, de leur famille. Exactement. Pour revenir au sujet, donc à l'accompagnement à l'allaitement aussi, parce que en fait, donc il n'y a pas de protocole clair sur l'histoire de massage, d'exercice, d'étirement de la langue, etc. Par contre, toutes les études disent qu'à la phrénectomie, il faut qu'il y ait, enfin toutes les études sérieuses, disons à méthodologie un peu plus haute, disent qu'il faut qu'il y ait un accompagnement à l'allaitement qui soit fait en parallèle de la phrénectomie et de la post-chir. Mmh. Le truc, c'est que l'accompagnement à l'allaitement, donc il y a des professionnels qui sont formés, mais là aussi, en fait, nulle part n'est détaillé exactement ce que ça veut dire qu'un accompagnement à l'allaitement. Et il y a des recommandations dans certains pays. Moi, j'ai été formée à l'accompagnement à l'allaitement. Mais tout ça aussi, en fait, ça reste un peu flou. Et j'ai été formée, j'ai pas forcément remis en cause tout ce qui m'a été dit. J'ai un peu... Il y a des choses que j'étais formée en 2017, de mémoire, 2016. J'ai remis en cause des choses et j'ai mis à jour des choses. Mais là aussi, en fait, c'est beaucoup de formation très verticale, en fait, sans forcément savoir si vraiment c'est basé sur des trucs sérieux ou si c'est plutôt des croyances qu'on se transmet au fur et à mesure. Après, si tu me permets de digresser une dernière fois et après, je te laisse terminer. Autant que tu veux. Mais c'est, à mon sens, on reparlait un petit peu de spécificité et tout ça, mais à mon sens, l'ostéopathie est intéressante là-dedans. C'est qu'on a, cette tendance-là, de par nombreux aspects, le temps de consultation, la relation, la qualité de relation de soins, etc., justement à être apte à démédicaliser un petit peu, ou en tout cas à enlever un peu cette notion de pathologie chez les patients, quel qu'il soit, en fait, d'ailleurs, comme motif de consultation, on a tendance à beaucoup user de ces outils-là. Donc, à mon sens, c'est ça, moi, l'utilité de l'ostéo. En partie, ouais, je suis dans la parenthèse. Et le... Après, je serais d'accord si tout le monde était formé correctement aussi. Merci. Le problème, c'est que c'est pas forcément le cas. Oui, parce qu'en fait, il y a le risque inverse. Il y a aussi le risque, il faut faire très attention de rajouter de la pathologie, de mettre de la consultation où c'est pas nécessaire, etc., etc. Et nous, on doit se méfier de ça aussi. Il y a GEDES en 2018 qui dit dans son article, enfin qui montre que en fait même l'allaitement maternel est précocement arrêté chez les bébés opérés. Et ça aussi, je trouve que c'est intéressant, c'est que les bébés en fait sont opérés parce qu'il y a des difficultés d'allaitement. On préconise une frénectomie, un accompagnement à l'allaitement, et finalement, il y a une majorité de bébés chez qui l'allaitement maternel est arrêté précocement. Donc en fait, ça ne va pas au bout du projet maternel, du projet parental. On peut parler aussi des complications aiguës, parce qu'il y en a aussi. Ça, c'est je sors ça du consensus australien, d'une autre publie, Al et Al de 2020, et de Solis-Pasrmino, de 2020 aussi, et lui il rapporte des cas d'ulcération profonde, des cas de mucocèles, des restrictions de mouvement de langue, des hémorragies, des œdèmes et des obstructions des voies respiratoires ou des chocs volumiques qui sont évidemment rares mais qui existent quand même. Il y a aussi des complications chroniques qui sont rapportées, incluant notamment des ankyloglossies récurrentes ou des paresthésies de la langue. Et certains sont réopérés plusieurs fois sous prétexte que la chire précédente n'a pas coupé suffisamment, par exemple. Ah oui. C'est aussi la question que tu posais, Damien, tout à l'heure, sur est-ce qu'il faut couper un peu, beaucoup, etc. Bah, en tout cas, il y a des fois où... Ah bah non, ça n'a pas marché. Ah bah oui, mais regardez, c'est normal, le frein n'a pas été suffisamment coupé, il faut recommencer. Quoi. Ça aussi, je trouve ça assez fou. Quoi. C'est limite de l'acharnement thérapeutique. Enfin, en tout cas, ça peut être de l'acharnement thérapeutique. Quand tu lis certains témoignages où il y a des bébés qui ont été opérés 3 ou 4 fois... Ouais. Et on met rien en place d'autre, enfin tu vois, c'est, et on est toujours à se dire c'est ce truc là qui cause la difficulté d'allaitement, les RGO, le machin, le truc, mais et on recommence 3 ou 4 fois. Je reviens juste moi sur le terme que tu as utilisé, que j'ai entendu pour la première fois, mucocèle. C'est un hydrocèle des muqueuses buccales, en gros, c'est ça. On verra pas mon hamster, pensez à hamster. Donc voilà, tout ça pour dire que la frénectomie, c'est quand même pas un geste anodin et que ça marche pas à chaque fois. Page 2. Page 2, j'en ai 443, rassurez-vous. J'espère que votre trajet en voiture est long. Donc concernant les autres stratégies thérapeutiques, pour l'instant, dans ce que j'ai lu un certain nombre de guides de recommandations et enfin leur traduction, et aucun pays ne recommande de thérapie manuelle. Voilà, ça c'est dit. Sachez-le. Aucune étude pour le moment n'apporte de preuves solides sur l'intérêt de la thérapie manuelle dans cette prise en charge. Il y a une étude qui est sortie là récemment, j'ai pas eu accès à l'article complet, et comme j'aime pas juste lire l'abstract, les résultats et la conclusion, en général, quand tu vas lire l'article complet, ben, tu peux émettre quelques modulations. Je préfère pas en parler sans avoir tout lu. Donc pour le moment, dans l'état actuel des données qu'on a et de compréhension des différents phénomènes en jeu, ce qui me paraît vraiment le plus important pour moi, c'est l'accompagnement à l'allaitement, mais au sens global du terme, au sens biopsychosocial du terme, comme par exemple prendre en charge la relation mère-enfant, mais aussi la relation famille-enfant, le contexte familial. On pourrait parler du positionnement pendant les tétés, mais qui serait adapté à la dyade mère-enfant précisément. Prendre le temps pour écouter, pour chercher ensemble, pour prendre en considération l'environnement dans lequel se fait l'allaitement, les tétés, les autres enfants, le reste de la fratrie, les connaissances de l'allaitement de la maman, le pourquoi elle allaite, voilà, tout ce qui se met autour, donc l'écoute et puis la réassurance. Et puis aussi, pour moi, ça me paraît important de dire aux mères qui sont nouvelles allaitantes, ou même qui ont le projet d'allaiter, que ben, allaiter, c'est pas toujours une partie de plaisir, qu'au début, l'allaitement, ça peut faire mal, et que ça fait mal les premières fois quasiment pour toutes les mamans, et qu'il y en a pour certaines pour qui ça passe plus vite que pour d'autres, mais que c'est normal, et que même si c'est leur choix d'allaiter, à n'importe quel moment, elles ont le droit de dire que c'est dur, elles ont le droit de dire qu'elles en peuvent plus, et qu'elles savent plus où elles en sont, parce que ça aussi, c'est culpabilisant. Je pense en particulier dans des sociétés comme la nôtre en France où l'allaitement maternel n'est pas encore quelque chose de très répandu. Alors en fonction des milieux, il y a des milieux où il y a énormément d'allaitement maternel initié, mais il y a des milieux où c'est pas le cas. Et donc c'est un peu ce truc, ben tu l'as voulu, alors voilà, assume. Ben en fait non, C'est, même si tu l'as voulu, même si c'est ton projet, même si c'est le projet parental, familial, on a le droit de dire à un moment qu'on est fatigué, qu'on en a marre, que ça fait mal et qu'on sature. Et donc pour celles et ceux d'entre nous qui pratiquent des techniques ostéo, des techniques manuelles, qu'elles soient spécifiques ou pas, du moment que ça fait du bien au nourrisson, du moment que ça fait du bien à la maman, et donc que ça fait du bien à la dyade, mère-enfant, bah continuons. J'ai toujours une pratique des techniques manuelles, des techniques dites ostéo, et je continue. La seule chose, c'est que c'est important pour moi que l'histoire elle soit cohérente et que les mots qu'on choisit soient réconfortants et pas culpabilisants ou catastrophisants sur la manière dont on raconte les choses à la maman ou aux parents s'ils sont là tous les deux. Ouais, si on peut éviter d'ajouter des problèmes à la situation, c'est quand même intéressant. Ouais. Je vois le mot conclusion décrit. Vous pouvez souffler. Mais pourtant, il reste 4 pages. Finalement, une conclusion, ça peut être long. Donc, je résume parce que j'ai. Rassure-toi. Là, le temps passe très vite. Hein. Rassure-toi. Ok. J'espère que celles et ceux qui nous écoutent se diront la même chose. Je n'en doute pas. Donc, si je résume, on en parle de plus en plus sans vraiment savoir de quoi on parle. Avoir un frein court, dans la grande majorité des cas, ça pose aucun problème fonctionnel. Il n'y a pas d'outil diagnostique fiable, ni interne ni intra-examinateur, pas validé, pas référencé. La plupart des outils sont basés sur des points d'observation anatomique, et fonctionnel pour certains, mais quand même très difficile à évaluer clairement, et basé sur une idée fonctionnelle de succion dite efficace, qui est probablement pas tout à fait exacte, parce qu'on a décrit, et ça c'est basé sur des croyances, que la succion est une histoire de positionnement de la langue, qu'elle doit se mettre en forme de coupelle sous le mamelon, et qu'en fait c'est le fait d'écraser, d'emmener la langue au palais qui va écraser le mamelon et faire sortir le lait. Sauf qu'il y a des études sous échographie qui ont été faites et qui s'aperçoivent que c'est pas du tout comme ça. Ça ne serait pas du tout comme ça que ça fonctionne. Ce serait plutôt une histoire de pression et de dépression. Qu'en fait, la pression dans les canaux lactifères et la dépression dans la bouche du bébé ferait qu'il y a transfert de lait et qu'il n'y a pas de mouvement péristaltique à l'échographie. Il ne voit pas de mouvement péristaltique de la langue, etc. Donc ça remet encore plus en question ce truc de est-ce qu'il a une succion efficace ou pas quand on va tester la langue au petit doigt, par exemple. Oui, parce que tu t'emploies le conditionnel, mais effectivement, si ça c'était vrai, tout s'effondre en fait dans toutes ces histoires. Quoi. Donc, la plupart des outils sont basés sur des points d'observation anatomiques et fonctionnels pour certains, mais qui sont très difficiles à évaluer clairement. Et ils sont basés sur une idée fonctionnelle de succion qui est dite efficace, mais probablement ce n'est pas tout à fait exact. En effet, il y a toute une description de la mécanique de la succion. Et je vous renvoie vers Watson-Jena de 2017, qui décrit toute la croyance de la manière dont la langue devrait se positionner, de coller, la langue devrait monter au palais de manière à écraser le mamelon contre le palais pour que le lait puisse sortir. Et en fait, alors là je vous renvoie vers Ella Detal 2014, je remettrai évidemment tous les liens des différentes études dont je me suis servie pour parler de tout ça dans la bio, c'est comme ça qu'on dit ouais. Cannon et Tal de 2016 et Gedes et Tal de 2016 aussi, qui eux disent que dans les données échographiques, je vais citer un article, pourtant les données échographiques couplées à la mesure du vide intrabuccal mettent en évidence que c'est la dépression intrabuccale effectuée par l'enfant combinée à la pression positive de l'éjection qui est le mécanisme essentiel du transfert de lait lors de la tétée au sein. Les canaux se vident de leur lait sous l'effet de la dépression intrabuccale. La langue n'effectue pas de mouvement ondulatoire de stripping du sein. Elle fait des mouvements verticaux couplés à ceux de la mandibule. Donc ça remet aussi en cause complètement l'idée de succion efficace ou pas. Et en fait, en fonction de la forme du mamelon et en fonction de la position la position d'allaitement, ça change absolument tout. Le mouvement de la langue en tant que tel, finalement, aurait très peu d'impact, d'effet sur la succion. Ça remet totalement en question certains tests qu'on fait au cabinet. On va voir si la langue se met en gouttière pour savoir si la succion pourrait être fonctionnelle ou pas. Quoi. Exactement. Okay. Et ça, c'est des choses que moi, j'utilise au cabinet. Hein. Mmh. Ouais, moi aussi. Je fais des techniques intrabuccales au bébé. Je mets mon petit doigt dans la bouche et j'observe la forme du palais et comment la langue réagit. Et surtout, si en fonction de l'âge, évidemment, s'il y a un réflexe de succion ou pas. Mais j'avais déjà du mal à corréler ça directement avec une notion de succion efficace lors de l'allaitement. Mais alors, après la lecture de ces trucs-là, effectivement, là, je... Ça remet encore plus en doute. Ça remet encore plus en question ce qui ne va pas m'empêcher de continuer à faire ces tests, parce que ça m'apporte des choses, moi, dans mon expérience clinique. Mais sur la notion de dire aussi de ce que je vais transcrire et de ce que je vais raconter ensuite à la maman, je ne vais certainement plus du tout utiliser cette notion de « Ah bah oui, il a une succion efficace ou il n'a pas une succion efficace » parce que, en fait, on n'en sait rien, que par ce test. Exactement. Quoi. Donc si je continue mon petit résumé de mes 4 pages de conclusion... la prise en charge chirurgicale a énormément augmenté depuis quelques années, dans tous les pays dits développés. Les résultats ne sont pas toujours bons et les protocoles pré- et post-chirurgicaux n'ont aucune preuve d'utilité. Au contraire, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc nous, dans tout ça, on sait qu'on ne sait pas grand-chose, que les protocoles vont augmenter la charge et la culpabilité des parents, et le plus souvent maternelle, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et comme je le racontais au début, la maman de cette toute jeune patiente, elle ne savait même plus combien de fois elle avait consulté la chiro pour son bébé. Donc c'est, vous vous rendez compte de la place que ça prend dans sa vie, dans son organisation, et dans sa charge mentale et dans son temps de disponibilité pour son bébé aussi à ce moment-là. Donc la fréquence augmente. On pourrait se dire aussi que la fréquence augmente parce que l'allaitement maternel augmente. Sauf qu'en fait, dans les pays scandinaves où il y a déjà des allaitements maternels initiés à la naissance, à des taux entre 90 et 99% en fonction des régions de ces pays-là, depuis nombreuses années, la fréquence des frénectomies et des diagnostics de frein augmente autant que dans les autres pays. Je ne comprends pas pourquoi, je remarque juste ça, c'est qu'il n'y a pas plus d'allaitements, mais il y a quand même plus de diagnostics de frein. Et donc, il est sûr que dans certains cas, probablement beaucoup moins fréquents qu'on le pense, la chirurgie est recommandée. Est nécessaire. Et dans ce cas, à mon sens, c'est important d'informer les patients et les parents des patients sur le fait que pour le moment, ça ne fonctionne pas toujours, qu'il peut y avoir des risques, que leur consentement soit donc vraiment éclairé et informé, et que, comme tu disais, l'AD tout à l'heure, il ne faut pas leur vendre une solution miracle. Quoi. Parce que j'ai l'impression, c'est ce qu'on vend là beaucoup en fait, ah bah il y a un frein, on coupe le frein, ça ira mieux. Et les retours d'expérience, les études qui font le point sur y a-t-il amélioration ou pas des difficultés d'allaitement, des troubles, c'est pas extraordinaire comme chiffre. La lecture de témoignages de parents, etc., montre bien que y en a plein pour qui en fait ça persiste. Donc c'est vraiment important de leur donner toutes ces infos-là. Et que quand la frénotomie n'est pas recommandable ou recommandée, pour moi c'est aussi là important de dire que très rarement, il y a une cause unique de défaut mécanique pour des problèmes qui sont complexes, que je me demande comment une petite bande de tissu conjonctif pourrait être responsable de tous ces maux chez tous ces individus qui sont tous différents, qui ont tous des formes, des tailles, des aspects différents au sens large du terme, et que cette petite bande de tissu conjonctif, elle, serait en cause, alors que, encore une fois, ces individus différents sont dans des environnements différents et complexes. Ça me paraît trop linéaire, trop biomécanique, trop simple, trop simpliste. D'où la nécessité de privilégier, encore une fois, une prise en charge biopsychosociale, de prendre en considération la diade mère-enfant, de déculpabiliser la mère, le ou les parents, la nécessité d'écouter les parents, souvent en difficulté. On n'oublie pas la fatigue, la pression de réussite quand t'es jeune parent, l'envie que ton enfant se sente au mieux, que tout le monde te dit que ça va bien pour les autres et puis que toi tu galères et que tu sais pas pourquoi tu galères. Et que donc savoir accompagner l'allaitement maternel dans cette prise en charge, c'est important. Et que si on sait pas, c'est aussi important de réorienter vers des réseaux de périnatalité. On en parle régulièrement entre nous de pluridisciplinarité, d'avoir des réseaux, donc de savoir vers qui on peut réorienter ses mamans. Que nous, dans notre prise en charge, sans forcément être spécialiste, parce que je sais que là, autour de la table, probablement que je suis la seule à avoir eu à un moment une formation de prise en charge d'accompagnement à l'allaitement, mais vous savez aussi bien que moi faire ressortir les peurs, faire ressortir les inquiétudes ou les questions, les croyances que la maman peut faire. Donc juste ça, déjà ça, je pense que c'est énorme, cette écoute qu'on peut avoir. Encore une fois, celles et ceux qui pratiquent la thérapie manuelle, c'est cool, continuez. Si ça fait du bien et surtout que ça rassure, c'est bien. Mais restez à jour, restons à jour. Restons à jour sur ce qu'on sait ou pas sur les freins. Pour pas vendre, encore une fois, une recette miracle, pour se rappeler 15 jours celles et ceux qui se disent experts dans le domaine n'ont aucune formation reconnue et validée, et que moi, de mon expérience personnelle, de mon avis propre, dans les formations dans lesquelles on assure des faits, mais qui ne sont pas référencés, qui ne sont pas sourcés, il peut se dire des choses intéressantes, mais pas que. Merci, Tiffen. Drop the mic. Si j'ai bien compris, Tiffen. Oui, Thierry. On est en train de dire que les deux personnes qui sont à l'origine de tout ça ont dit que l'une des deux solutions était la thérapie crânio-sacrée et que les pseudo-experts aujourd'hui du domaine écartent la thérapie manuelle comme solution. C'est bien ça. C'est ça. Merci. Vous pouvez me retrouver. C'est un peu le nouveau syndrome de Kiss, ça, en fait. tu veux partir là-dessus, l'AD? Non, c'est juste dans l'idée. Je comprends ce que tu veux dire. J'aurais besoin de refaire une revue de littérature sur le syndrome de Kiss. Mais... Clairement, je n'ai pas bossé le sujet assez pour me prononcer sur le syndrome de Kiss. Là, j'ai un avis qui est sûrement biaisé, en fait. J'ai un certain nombre de biais de confirmation et de... Mais c'est vrai que ce qui est toujours un peu frustrant, c'est que, en santé, mais comme dans d'autres domaines, il y a des effets de mode, et on ne sait pas trop pourquoi, ni comment, ni quoi qu'est-ce, mais que là, en tout cas, on a l'impression qu'effectivement, comme tu le disais, il n'y a pas forcément... Enfin, en tout cas, le fait qu'il y ait une augmentation de l'utilisation de l'allaitement maternel, naturel ou classique, enfin, on va dire, n'a pas forcément d'impact sur le fait qu'on diagnostique de plus en plus de freins, parce qu'en Scandinavie, ce n'est pas le cas. Donc on a vraiment l'impression que c'est un effet de mode en réalité, en fait, le truc. Sur la notion de diagnostic de frein et donc de frénectomie, ouais. Ouais. Ce que je ne sais pas, que je n'ai pas réussi à trouver, c'est est-ce qu'il y a plus, proportionnellement au nombre d'allaitements maternels initiés, est-ce qu'aujourd'hui il y a plus de consultations ou plus de difficultés à l'allaitement? Ça, j'ai pas trouvé cette info-là. Et en même temps, c'est sûrement difficile à mesurer. Et ce serait intéressant de se poser la question, par exemple, dans les pays scandinaves ou en Suède, où il y a 99% d'allaitement maternel initié, est-ce qu'il y a plus de consultations qui ont pour motif difficulté d'allaitement? Et si oui, ben, pourquoi? Et là franchement, moi, j'y crois pas une seconde à ce truc, même si on suppose qu'il y a vraiment une... Ça existe vraiment, ce truc de frein postérieur. Bah, les freins postérieurs, ils ne sont pas arrivés. Ce n'est pas les bébés de 2004 qui ont eu la première fois des freins postérieurs. Donc, il y en avait forcément avant. Et donc, ce que je veux dire, c'est que s'il y a plus de difficultés à l'allaitement, c'est bien qu'il y a d'autres causes que ce truc-là. Et quelles pourraient être ces causes? Et comment on pourrait les prendre en charge? D'autant plus que moi, alors je ne saurais plus sortir la source, malheureusement. Et je sais que j'avais lu qu'effectivement, il pourrait y avoir des aspects sociaux en lien avec ça. C'est notamment le fait qu'il n'y a plus forcément de transmission de la mère, donc de la grand-mère, si vous voulez. Et d'habitude d'allaitement ou d'habitude de soins du bébé directement avec la mère. C'est-à-dire que... Ah oui, la modification des rapports sociaux à l'intérieur de la famille qui fait que certaines choses se transmettent moins de génération en génération. En tout cas, c'était une hypothèse, je ne sais plus la source encore de quoi, mais c'était une hypothèse du fait qu'effectivement, maintenant, il semblerait que les mères soient plus tentées de demander des avis au médecin qu'à la maman, à sa propre maman, pour des conseils de machin, et donc potentiellement, ça pourrait hyper médicaliser les choses. Tu vois, avec toutes les limites que tu soulignais tout à l'heure. Il y a des pays dans lesquels, depuis plusieurs générations, il y a l'allaitement maternel est le plus courant, l'alimentation la plus courante pour les bébés. En France, ce n'est pas le cas. Alors, je n'ai pas du tout les chiffres précis en tête, mais il y a plus d'allaitement maternel aujourd'hui que lors de la génération précédente, et plus que encore la génération précédente. En fait, quand les préparations en poudre pour nourrissons sont arrivées sur le marché, etc., il y a eu tout un... Je ne saurais pas expliquer, ce n'est pas mon domaine d'expertise, là, pour le coup, mais il y a eu tout un truc... le biberon et le lait artificiel ont pris énormément de place, et c'était aussi une forme, quelque part, de libération de la femme, de ne plus être dépendante... Elisabeth Badinter, on vérifiera que c'est bien elle, mais je suis quasiment sûre, qui dit des trucs vraiment intéressants, que moi je trouve vraiment intéressants sur le féminisme et sur la libération de la femme, etc. Mais elle dit aussi clairement que pour elle, l'allaitement maternel, c'est l'aliénation de la femme. Et là, pour moi, je m'y retrouve pas du tout. Donc, tu vois, c'est aussi des trucs qui ont fait qu'un certain nombre de femmes, c'est pas que pour ça, mais n'ont pas allaité. Donc, c'est pas si simple cette notion de génération, parce qu'en fait, moi qui suis une maman et qui ai allaité mes deux enfants, en l'occurrence, ma mère avait allaité mes sœurs, mais c'était à l'époque quelque chose qui était plutôt rare. Donc, en fait, on est peu à avoir des mères qui ont elles-mêmes été allaitantes et qui, du coup, pourraient accompagner, soutenir, etc., leur fille ou leur belle-fille qui, aujourd'hui, souhaiterait allaiter. Moi, je suis typiquement de la génération, je pense, où ma mère, c'était hors de question pour elle d'allaiter. Ouais, quoi. C'était... La question se posait la peine. Alors que, tu vois, dans des pays qui sont pas si loin que chez nous, c'est complètement différent. On divague. C'est cool. On divague. C'est intéressant. Ouais, c'est cool. Sujet de société. Ouais. Ah oui, là ça va au-delà d'ostéo et science. Je pense que c'est super intéressant. Ouais. Et puis c'est aussi un sujet de société sur la notion de fake news, de comment cette histoire des réseaux sociaux, parce que forcément, je suis dans un groupe sur Facebook, d'Ankyloglossy, etc., depuis un certain nombre d'années, parce que je m'étais intéressée un peu au truc, et je m'étais dit, je vais voir ce qui s'y dit. Et je voyais plus trop les publis dans l'algorithme de Facebook, comme je m'y intéressais pas, forcément, je voyais plus les publis. Et là, en lisant tout ça, je suis allée rechercher ce groupe-là, et je suis retournée. Donc là, je vois tous les jours, j'ai des notifs de nouvelles publications dans ce groupe. Moi, je suis vraiment impressionnée sur le nombre de publications qu'il y a, sur le nombre de mamans. Là, pour le coup, c'est... Je ne vais pas dire 100%, mais quasiment... Précise de publication Facebook. Publication Facebook, ouais. Pas scientifique. Non, pas scientifique. Non. Pas du tout. Et donc là, tu vois comme les informations, elles se transmettent, c'est viral, quoi. C'est vraiment... Donc c'est là-dessus aussi où c'est un vrai fait de société, parce que cette notion d'information médicale, de santé, etc., qu'on peut nous avoir à aller chercher dans des trucs un peu sérieux ou essayer d'être le plus sérieux possible, en fait, l'information, elle va beaucoup plus vite sur d'autres médias, sur d'autres réseaux, et on peut pas moduler ça. Il est un peu sexy comme ça. On essaye en tout cas d'être assez nuancé, parce que la science, elle veut que ce soit comme ça, qu'on mette de la nuance, et eux, c'est un peu, vous avez tel problème, vous inquiétez pas. Petite cisaille là, et c'est réparé. Ouais, c'est ça. Donc forcément, quand t'es dans un contexte de fatigue, de stress, d'inquiétude... Bah, c'est facile, ça ferait du bien de croire que c'est la solution miracle et qui fait du bien. Là, il y a une étude que Vosoughi, en 2018, qui dit qu'une information erronée se répand en ligne 6 fois plus vite qu'une information vérifiée. Du coup, ça on comprend mieux pourquoi ça va vite. Parce que c'est la primo sensationnelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un certain nombre de personnes vont consulter cette information-là, elle va être proposée dans le fil d'actualité plus facilement à d'autres, etc. Et c'est vraiment complètement viral. Moi, depuis peu, dans mon entretien avec les mamans, les papas qui me consultent avec leurs nourrissons, je pose la question, où est-ce que vous allez chercher les informations? Je me suis rendu compte que Facebook notamment, c'était extrêmement culpabilisant et vecteur de fausses informations. Et je pense notamment à un groupe autour de l'allaitement qui est très célèbre et qui est assez conseillé par les sages-femmes, etc., etc. On y lit des choses atroces en termes de jugement, ça se voudrait être des conseils, ça ne l'est pas du tout. C'est tu devrais faire comme si, tu devrais faire comme ça, si tu n'y arrives pas, c'est que tu fais quelque chose de mal, etc., etc. Et j'ai vu des patients, des parents de jeunes patients complètement désemparés à cause de ça. Donc c'est maintenant une information que moi je vais chercher. Je trouve ça hyper cool cette question. Où est-ce que vous allez chercher vos informations? Je vais te l'appliquer, Guillaume. Je t'en prie, c'est cadeau. Carrément, surtout que comme on en parlait hier, je crois. Bah oui, parce qu'il faut le dire, on s'est aussi vu hier soir. Là, ça fait merde, beaucoup. J'ai dévoilé les coulisses, d'ostéo-sciences. Je vais essayer d'intégrer personnellement de plus en plus d'entretiens épistémiques dans mes consultations et peut-être, pourquoi pas, d'en faire un sujet pour un prochain épisode. Ah, super. Et je trouve que ta question rentre complètement dans ce cadre-là. Et donc, je vais aussi te l'appliquer. Ouais. Allez-y, je trouve qu'il en ressort vraiment des trucs hyper intéressants, parce qu'à la fois, on peut savoir s'ils ont été au contact de ces groupes-là, et puis à la fois, ça permet de savoir s'ils sont entourés par la famille aussi, parce que des fois, c'est une tante, c'est la mère, etc., etc. Il y a plein de choses qui peuvent ressortir de cette question-là. Je vais juste revenir sur le sujet. Oui, parce que là, il y a chapitre 2. Hein. juste parce que il y a vraiment l'article dont j'ai parlé au tout début de Gisèle Grémaud-Frégé, qui a été publié dans Connaître, qui s'intitule « La saga des freins bucco-restrictifs chez l'enfant allaité ». C'est sorti en janvier dernier. Et je trouve que cet article qu'on a vu passer dans certains des réseaux, justement, sur lesquels on est, sur Facebook, etc., c'est un article qui va un peu plus loin, enfin, qui va plus loin que ce que je vous ai raconté, et qui est vraiment, vraiment bien fichu, qui est très bien étayé, et dont je me suis, entre autres, servie pour vous raconter tout ça. Donc, je vous invite à aller le lire si ça vous intéresse, parce qu'il est vraiment très bien fichu. Bah merci Tiffaine. Merci Tiffaine. Merci. Ça remet les choses au clair. Je pense qu'on va rester à un sujet. On va vous réserver le suivant pour un petit peu plus tard. Et puis bon, on va terminer par la question de fin, du coup. Hein. Petite tradition. Voilà. Les gens seraient déçus s'il n'y avait pas la question de fin. C'est clair. En tout cas, j'aime à croire que les gens seraient déçus. En tout cas, nous serions déçus de ne pas avoir de questions de fin. Moi, je voulais vous demander, est-ce qu'il y a une sortie complètement de l'ostéo? Y a-t-il une discipline que vous avez pratiquée, une activité, ou est-ce que vous avez un centre d'intérêt, donc si possible éloigné de l'ostéo à la base, mais qui est venu nourrir votre pratique? Je vous laisse réfléchir un petit peu. L'AD, dis-nous. Alors moi, c'est le sport, en particulier la muscu. Donc déjà à la base, avant même d'être à jour un peu sur les connaissances, j'orientais vachement les gens vers le sport. Et j'avoue que les connaissances sont allées dans mon sens. Et que je suis content. Comme ça, j'ai pas grand-chose à changer à part mon discours. T'aurais-tu des billets de confirmation, l'AD? Complètement. Okay. Je pense que le sport est bon pour la santé. Super, merci. Qui se lance? Moi, ça a été le jeu de rôle. Le jeu de rôle papier, tout bête. Voilà, j'ai beaucoup fait de jeux de rôle quand j'étais plus jeune. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça encore, et puis là j'ai moins de temps, mais ça nourrit ma pratique dans le sens où ça m'a appris à raconter des histoires et à écouter celles des autres. Voilà. Okay. Super. C'est beau. Franchement, c'est super beau. Merci Thierry. Mika? Ouais, je peux y aller. Je vais vous faire une réponse éclatée au sol. Hein. Franchement, un hobby qui nourrit ma pratique, je vois pas vraiment, mais qui peut nourrir des sujets de conversation avec certains types de populations. Vu que j'aime beaucoup les mangas, les jeux vidéo tout particulièrement, pour certains types de populations comme les ados, les enfants, ça peut être des sujets que je peux facilement aborder avec eux pour créer une alliance thérapeutique. Ah ouais. Je me rappelle de cette consultation où pendant 30 minutes, j'ai parlé de Pokémon avec un enfant de 6-7 ans. C'était cool, c'était un bon souvenir. Je trouve pas que ce soit éclaté au sol. Non, c'est génial. T'es dans l'univers du patient, ouais, t'es sur ses valeurs et tout, ça te permet de créer un lien, établir le contact. Mais dès que je vois un t-shirt, toi, avec un motif, un truc, qui fait référence à une œuvre culturelle que j'ai connue, ça permet déjà de créer un lien, quoi, un début de lien, de dérouler après. Quoi. Quand on connaît l'importance de l'alliance thérapeutique, je crois que t'es... Ouais, c'est vrai. C'est plutôt vachement... Non, clairement, les valeurs de Pokémon, attraper des animaux sauvages pour les faire se battre dans une cave... Faut pas trop rentrer dans les détails. Super. Damien? J'hésite un peu et... En fait, je vais regrouper un peu tout en un. Donc là, je vais faire un combo gagnant. Parce que c'est à la fois le parapente que j'ai fait, c'est à la fois les expériences que j'ai eues avec des choses assez atypiques comme les méthodes de Wim Hof, par exemple, ou c'est à la fois la musique, ou juste comme ça. Et en fait, c'est plus le fait de... Et même le théâtre, effectivement. Non, j'en ai pas encore parlé. C'est vrai. Mais je m'en suis rendu compte en le lisant. Et même le théâtre, en fait, dans le sens, c'est plus le fait de sortir de ma zone de confort. Et de me confronter au fait que ben, c'est pas parce que tu fais un truc qui a priori te fait peur et a priori tu sais pas comment ça va se passer, que en fait dans l'immense majorité des cas t'arrives à le faire et en fait t'en apprends beaucoup sur toi et c'est ça qui m'a beaucoup apporté, dans le sens où en fait, et là je vais faire ma psychanalyse un peu de bas étage, mais c'est vrai que quand j'étais jeune et enfin j'étais assez introverti, timide, etc., et je me serais jamais imaginé faire ostéopathe, c'est-à-dire être en face de quelqu'un et qui a mal et devoir gérer ça tout seul en fait. Ouais. Et donc ça, cette sortie de zone, de ma zone de confort dans tout un tas d'autres domaines, le sport, la musique, le théâtre, la culture, etc., ça m'a vraiment servi dans ma pratique quotidienne, quoi. En tant qu'assurance et juste joie en fait de prendre en charge les gens et me dire que je suis capable de le faire. Voilà. Super. Ouais. Merci. Bah, de rien. Tiffaine. D'abord, la première chose à laquelle je pense, c'est quand je suis devenue maman il y a presque 10 ans, j'ai eu envie de me poser des questions sur comment j'allais mettre les choses en place avec un bébé qui allait arriver, sur la maman que j'allais être et comment ça fonctionnait un bébé. Donc j'ai lu beaucoup de choses sur l'enfant, sur le développement du cerveau de l'enfant, sur l'éducation, sur différents types d'éducation, l'éducation positive, etc., que j'ai mis en place en tant que maman, et ça m'a évidemment aujourd'hui apporté beaucoup de choses sur ma pratique en pédiatrie et sur les ponts que j'ai pu faire entre le soin, la prise en charge thérapeutique et ce que l'enfant est et comment il fonctionne. Et l'autre chose, c'est que toutes les pratiques que j'ai pu faire, que je fais depuis un certain nombre d'années, telles que la danse ou le yoga, ou quand je suis passée par des trucs dont tu parlais, Damien, comme technique Wim Hof ou le Systema ou le développement de mouvement. J'ai fait un stage à un moment avec les Fighting Monkeys, qui est un groupe de développeurs de mouvement, de chercheurs de développement de mouvement. Et tout ça, ça m'a apporté énormément de choses sur ce que moi, je pouvais faire, sur m'apercevoir qu'en fait, je pensais pas être capable de faire tout ça. Et donc, si moi, j'avais des trucs que j'étais capable de faire, que je croyais pas être capable de faire, bah, c'est que mes patients aussi. Et puis, ça m'a donné plein d'idées sur comment le fonctionnement, en fait, sur cette notion d'il n'y a pas un bon mouvement, mais il y a plein de mouvements possibles. Et quand tu vas sentir que tu es capable de faire tel ou tel truc que tu n'avais pas pris conscience avant, bah en fait tu développes tes capacités et ton champ de pensée, de compétences, etc. Donc ça je pense que ça a eu beaucoup d'implications, de changements dans ma pratique. Super. Merci. Et toi Guillaume, dis-nous tout. Moi j'ai un centre d'intérêt qui est la communication, vous le savez, et il y a des choses qui m'ont facilité la tâche. J'ai fait un peu de théâtre. J'ai aussi été, pendant un moment, extrêmement fan de stand-up, et notamment de stand-up américain. Alors, je ne suis pas devenu stand-upper. Hein, ne me cherchez pas à République. Mais j'ai capté des choses dans... Alors, justement, la façon de capter l'attention, des notions de rythme dans la façon de parler, de s'adresser à quelqu'un, quand est-ce qu'il faut utiliser le silence, notamment, quand est-ce qu'il faut enchaîner, les variations dans le ton, ce genre de choses, tout ce qu'on appelle le paraverbal. Voilà, c'est des choses qui m'ont servi après dans la pratique de l'hypnose, c'est des choses qui m'ont servi en général quand je communique avec mes patients. Voilà pour moi. Merci, super. C'est pareil, super intéressant. Cool. Ce serait intéressant d'avoir l'avis de ceux qui nous écoutent sur les réseaux. Ouais. Ce serait cool de savoir eux un petit peu. S'ils ont des trucs comme ça qui ont nourri un peu leur consulte ou leur pratique en général. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. C'est... Non, c'est pas ça. Le pouce bleu, commentaire, n'oubliez pas de cocher la petite cloche. Lâchez des likes. Non, mais effectivement. Ouais, non, c'est vrai. Ouais. Bah comme quoi justement en fait là on est en train de bien se rendre compte que de par nos expériences culturelles différentes et artistiques et etc, ça nous apporte énormément, donc là je pense qu'on est tous d'accord, même si on est à fond scientifique et enfin voilà, le nom du podcast dit bien ce qu'il veut dire, enfin on reste quand même aussi des amoureux des arts de quels qu'ils soient, de la BD, du manga, des jeux vidéo, de la danse et j'en passe. Donc, restez curieux là-dedans et voilà. C'est curieux, en fait. Ça vous servira dans tous les cas. Quel que soit le domaine. On est sensible à ça, clairement. Dans cette question de science, etc., c'est aussi d'ouvrir notre curiosité à ce qui se dit, ce qui se fait, ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Mais notre curiosité, elle est aussi en dehors, sur les arts, la culture, le sport, la littérature. Et c'est cool. Continuons à nous ouvrir à de nouveaux horizons. Merci à tous. Merci Guillaume, c'était cool aussi que tu te présentes, c'est chouette. Ouais, mais ça m'a fait très plaisir. J'aime beaucoup quand c'est toi qui présentes. Ouais, parce que les autres vont... Merci à tous en tout cas. Merci. À bientôt. Merci. À bientôt. Merci. Merci. À bientôt. Ciao. À plus. T'as bien, je te resserre. Allez. Moi, il y en avait déjà deux, j'en ai acheté trois. Vas-y, sors-en une autre. On est cinq, ça va. Théoriquement. Ou alors, sinon, on finira le podcast en roulant. Ça, ce serait trop marrant. L'épisode qui tourne mal. Ça sera donc le dernier épisode. C'était formidable. Je vous aime. Ils avaient l'air bien et un truc à déconner à un moment. Et... Tu peux chercher. Bah, il est juste se sont retrouvés en présentiel. Ouais, voilà, les prochains, on les fait à distance. 'la question finale, ça sera quoi en fait? Oh là là, la question de fin, t'as raison. La question de fin, ouais, putain. T'avais tout un stock, hein, je crois, de questions de fin. Oui, mais là, j'ai pas le truc avec moi, donc question. Après, en vrai, tu peux rester. Si t'as pas d'idée, tu restes sur du basique. Les meilleurs souvenirs de formation, tu peux. Ça en a fait, meilleurs souvenirs de formation. Non, okay. La première expérience en ostéo. Ouais, le premier coup. Est-ce que. Non, ce serait un peu con comme question finalement. Y'a pas de question. Bah, j'allais dire, est-ce que. Est-ce que le fait de s'être intéressé aux neurosciences, d'avoir remis en question nos croyances, etc., etc., est-ce que ça nous a, à un moment donné, donné envie d'arrêter? Ah, effectivement, c'était con. En plus, je sais très bien que je vais dire ça depuis le début, donc je te laisse dérouler. Ah, merde, c'est long. est-ce que ça vous a... Ouais, mais on avait dit, hein, sur les questions, on essayait de rester positif, tu vois. Ouais. Ouais. Mmh. Oui. Et je voudrais savoir si les uns et les autres, vous avez déjà des connaissances en la matière. Damien ? Alors, ça tombe bien que tu me poses la question. Parce que la réponse, c'est assez simple, c'est absolument aucune connaissance sur le domaine. Donc je suis d'autant plus content que ce soit Tiphaine qui nous fasse cette présentation-là. Je connais son implication et son nom. Et là, il faut couper. On coupe. Donc, je te relance ou vas-y, pas vas-y, vas-y. Okay. Je vais manger parce qu'en plus, je t'ai lancé en train de manger. Bah oui, c'est pour ça que j'ai un peu... Ouais, il va falloir qu'on... C'est passé. Je me suis dit, t'es vraiment pourri. Ça règle la spontanéité. Ouais, ça fait c'est partie bien, du jeu. C'est bon. On est tous ensemble. On a annoncé qu'il y avait des crudités. Donc ouais, que ça ferait du bruit. Bon, les crudités, elles font crrr, mais... Il y a un truc sur lequel ils se rejoignent, c'est qu'il n'y a pas d'échelle d'évaluation claire, fiable, validée, fiable inter ou intra-examinateur. Donc, je fais une pause. Attends, il faut que je reformule ma... C'est un cut, là. Ouais. Avec le goûter que tu t'es tapé sur KFC, là. Il faut que je te dise. Il demande si c'est un cut et il se rue sur les chips. Je sais pas comment le tourner. Tu peux ou... sortir une nouvelle bouteille ou c'est... Je vais le lire, en fait. Damien, tu peux sortir une bouteille? Attends, on avec ça, YouTube peut continuer. Vous me dites quand c'est bon. Attends, on est arrivé au stand. Après, les bruits des capsuleurs et tout, ça peut faire partie du truc aussi. Hein. C'est bon? Oui, c'est quoi le podcast où ils goûtent des bières? Distorsion Podcast, moi je connais, où ils font ça. J'en connais un autre, c'est des Québécois. Ouais, Distorsion. Ah oui, c'est ça, c'est Distorsion. La tournée de bière. Le Cozy Corner, le podcast dont je te parlais tout à l'heure, ils trinquent au début de chaque épisode et à la fin. Et tu les entends tranquille. Cool. Ils font... Ah. Ouais. Moi j'en écoute un qui s'appelle Happy Hour aussi, et c'est pareil, tu les entends décapsuler des bières. Vous me déconcentrez pas trop longtemps. Donc on est d'accord que les adultes qui consultent pour les fins de langue, là, c'est pas parce que leur compagnon ou compagne a des crevasses au niveau des ballons, c'est ça? Alors, non, je sais pas. Je rassure, n'ai pas cette information. Je rassure Thierry, en fait. Peut-être qu'on pourrait... Tellement fier. Tellement fier que... Merci, ça vient de merci, merci pour tout. Ah, mais là, mais voilà. Ça y est, mon travail est fait. C'est... Bon, ben, bah, suite à ça, on va quand même parler un peu de stratégie thérapeutique. Merci, Damien. Et Tiff, tu te sers. D'accord. D'accord, tu merci. Demandes pas, c'est... Vous êtes plus sushi, vous êtes plus... burger. Non. Vous êtes plus... pizza. Pizza, c'est peut-être plus facile, non? Pizza, c'est peut-être plus facile. Allez, go. Il y a 5. Ouais. Je crois pas une pizza en entier. Hein. Pas de souci, par contre, si je le dis tout de suite, si quelqu'un prend une pizza à l'ananas, je quitte cet appartement. Je quitte ce podcast, je quitte ce projet. Je vais prendre une hawaïenne. Je vais prendre une banane de chocolat, moi. J'ai l'impression que c'est un super épisode. Moi, j'ai... alors, est-ce que c'est la sensation de l'eau gazeuse et de nos retrouvailles en physique, ou l'absence de je sais pas. Non, l'absence de l'AD. Oh putain, merde. Ça y est, t'as pas. Il faut en faire une par épisode. Ah ben voilà, c'est fait. On mettra un bip. Merci Guillaume, c'était cool aussi que tu présentes, c'est chouette. Ouais, mais ça m'a fait très plaisir. J'aime beaucoup quand c'est toi qui présentes. Ouais, parce que les autres, bon... Le dernier, c'était Tiffany d'ailleurs, je crois. Non, l'avant-dernier, c'était moi. Ouais, c'était toi. En tout cas, je trouve ça cool aussi que dans ce podcast, on se passe la main là, sur l'animation, sur comment j'arrive. Tout ça parce que ça crée une vraie cohésion, puis on... Moi j'aime bien tester des nouveaux trucs, tout ça c'est cool. Ouais, oui, parce qu'il n'y a pas ça de leader, mais on fait tout ce que Tiffen a décidé. Il n'y a pas de leader, il n'y a que des leaders. Mais d'ailleurs, elle a décidé qu'il n'y aurait pas de leader. C'est pour ça qu'on dit ça.